Chapitre 25e. Il s'était trompé en supposant son ami capable de revenir par surprise pour s'assurer de l'effet de sa lettre. Elle ne parut pas, et au bout de 2 jours, il ne put différer davantage sa réponse. Mais que lui dire? Comme il passait maintenant sa vie avec les enfants, partageait leurs repas, leurs jeux, leurs querelles, ses pensées s'étaient détachées peu à peu de Madame Sellers. Elle redevenait pour lui le gracieux fantôme de jadis. Mais jadis, il croyait encore que ce fantôme pourrait prendre corps, et maintenant il s'apercevait qu'il ne le désirait plus. Enfin, il prit sur lui de lui écrire, et son irritation eut pour effet de la matérialiser. Elle ne prenait plus de réalité à ses yeux que pour le contrarier. Encore un des bienfaits de la situation d'amoureux. On se regarde de trop près, on finit par ne plus se voir. Se dit-il, sans trop croire à cette explication. Voici ce qu'il écrivit. Votre projet pour les enfants, cher ami, ne me semble pas déraisonnable, mais est-ce moi qui deviens fou? Vous me proposez à peu près de les replonger dans le milieu infernal d'où j'avais réussi à les tirer. Le désastre pour eux, ce serait d'être séparés, et c'est ce que vous me demandez de faire, alors que nous bataillons depuis 2 mois. Pour empêcher ce malheur. J'aime mieux ne pas insister sur votre idée de rendre les plus jeunes à Lady Ranch et à Buendelmonte. Des femmes comme vous ne sont ce que vous êtes qu'à la condition de ne pas pouvoir se figurer ce que sont ces gens-là. Mais moi, je les connais. Et jamais je ne serai leur complice. Et pour Judith, qui a réussi à inculquer à ses frères et sœurs un sentiment de solidarité si profonde, quand vous me dites de la condamner à voir son œuvre anéantie, et tous les sentiments qu'elle a cultivés autour d'elle foulés aux pieds. Il s'arrêta là, jeta sa plume et considéra son papier avec découragement. « Ce n'est pas cela, ça ne vaut rien, » murmura-t-il. La vérité, c'est qu'il avait beau faire la mauvaise tête, il n'arrivait pas à se trouver un grief véritable contre Madame Sellers, au contraire. En allant à Venise, pour signer la paix, il se regardait comme fiancé. Il avait pris sur lui de s'engager dans cette tutelle et d'engager Rose sans même réserver le consentement de celle-ci. Il se disait que puisqu'elle l'aimait, elle approuverait toujours. Il s'était conduit en un mot comme un écolier romanesque avec une folle de son âge. Jamais Rose ne lui avait fait le moindre reproche. Cette magnanimité ôtait toute force à Boyne et tarissait le fiel de sa plume. Il repoussa son papier, prit une nouvelle feuille et griffonna. « Mille regrets, mais impossible de défaire ce que j'ai fait. Tâchez de me comprendre, tendresse. » La lettre projetée n'était plus qu'un télégramme qu'il se hâta d'expédier. La réponse lui parvint au bout de 24 heures. Elle ne contenait qu'une ligne. « Je vous entends très bien. Lettre suit. » 2 jours plus tard, ce ne fut pas une lettre, mais un petit paquet recommandé que le facteur remit à Boyne. Tout de suite, il devina. Il monta à sa chambre. Un peu étourdi par la rapidité de l'événement, rompit fiévreusement le cachet et découvrit, comme il s'y attendait, le petit écrin de maroquin. En l'ouvrant, il aperçut un billet enroulé autour du saphir. Il lut « Je n'oublie pas. Je ne vous en veux pas. Donnez ce bijou à une femme qui vous rendra le bonheur que vous m'avez donné. » Il se prit le visage à deux mains car il aimait Rose, ou du moins, il avait aimé l'image d'elle qu'avait créée leur longue séparation. On frappa à la porte. Il leva les yeux. C'était Judith qui se tenait, incertaine, sur le seuil. « Excusez-moi, vous dormiez ou vous aviez encore une de vos migraines ?» Elle entra et referma la porte sans attendre la réponse. « Je vous dérange affreusement, n'est-ce pas ? » fit-elle en s'arrangeant les cheveux devant la glace. « Oui, non. » La curieuse avait-elle déjà découvert l'écrin grand ouvert et le billet signé de Rose ? Boyne renonça à les cacher pour ne pas attirer davantage son attention. « Oui, » se borna-t-il à dire en lui tendant la main. « Une migraine. »« Alors je m'en vais ?» dit sans conviction la jeune fille. « Cela dépend, » répondit-il. « Qu'est-ce qui se passe ? Pas d'accident, Rosenbleu ? Non, rien. Mais il y a des siècles qu'on ne vous a vu. » Il chercha son étui à cigarette et le tendit à la jeune fille qui s'était installée dans l'unique fauteuil de la chambre. « Comme c'est gentil, » dit-elle, « d'être seule avec vous. » « Mon Dieu !» Je ne sais pas si vous allez me trouver bien amusant, mais si, nous serons très bien si vous me laissez parler. Eh bien, je vous écoute. Une lettre de maman ce matin. Le sourire de Boyne se figea. La tuile. Il y avait longtemps qu'il l'attendait. Joyce n'écrivait qu'en cas de catastrophe. Que dit-elle ? Demanda-t-il avec appréhension. Pas grand-chose. Et des choses que je ne comprends pas bien. Elle dit qu'elle a plaqué Gérard, qu'elle comprend qu'elle mène une vie de bâton de chaise et qu'elle nous en demande pardon de tout son cœur. Et alors ? La jeune fille haussait les épaules avec un mince sourire. Oh, cela n'a rien de bien nouveau. Maman se met à comprendre la misère de son existence chaque fois qu'elle se prépare à commencer une vie nouvelle. Qu'est-ce que vous entendez par une vie nouvelle ? C'est généralement quand elle change d'amis. Mais, ma chère enfant, pourquoi ne serait-ce pas sérieux ? Si vos parents s'étaient aperçus qu'ils ne peuvent pas se passer de vous et se décider à faire une fin ? La jeune fille cligna des yeux sceptiques à travers la fumée de sa cigarette. Comme au cinéma, dans les films sentimentaux ? Pourquoi pas ? Votre mère est trop intelligente pour ne pas avoir soupé du jazz un jour ou l'autre. C'est ce qui lui arrive chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un qui lui ouvre les yeux sur la vanité des plaisirs. Cela veut dire régulièrement qu'elle commence un nouveau roman. Enfin, elle m'annonce son départ pour Paris. Elle veut déposer une instance de divorce, parce qu'elle ne peut plus vivre avec un homme comme papa. Boyne respira. Encore un délai, ce départ. Pas bien long peut-être, mais assez pour ajourner une décision. C'était tout ce que Boyne pouvait espérer. Mais il rencontra les yeux de la jeune fille et fut surpris de leur expression de sécurité. « Vous n'avez pas peur. »« Avec vous, pourquoi aurais-je peur ?» Aussitôt, il fut accablé par le poids de sa responsabilité. La naïveté de cette confiance l'épouvantait. « Réfléchissez, mon enfant. Jusqu'à présent, nous avons une chance insensée, mais tout peut craquer d'un coup sans que je puisse rien empêcher. » Elle prit une expression de foi radieuse. « Jusqu'à présent, tout a réussi. En cas de drame, qu'est-ce qui nous empêche de filer en Amérique avec vous ?» Elle s'arrêta et reprit avec un peu d'hésitation. « Vous allez vous marier bientôt, Martine. »« Eh bien, ce matin, en recevant la lettre de maman, nous nous disions avec Terry que si bonne maman ne voulait pas de nous, peut-être nous laisseriez-vous vivre chez vous, à New York, en payant. Nos parents n'auraient rien à dire de cette combinaison. Je sais que Madame Sellers aime beaucoup les petits. Nous autres, les aînés, nous ne serions pas gênants. J'ai tant mis de côté sur l'argent de papa que vous auriez de quoi louer toute une caserne. Et je vous promets que nous serions très discrets le matin. » On occuperait la salle de bain pas une minute de trop. Quelle petite fille déconcertante. Elle passait sans transition d'une sagacité de vieille routière à l'innocence d'un enfant. Devant les choses pratiques, la jeune désenchantée pour qui la vie n'avait plus de surprise, redevenait une fillette qui a besoin de sa gouvernante, une jeune Daphné demi-entrée dans la réalité, demi-captive dans des feuillages de contes de fées. Ma chère enfant. Elle s'aperçut du changement de ton. Un nuage lui descendit des yeux et couvrit son visage. Elle s'efforça pourtant de garder son sourire. « Allons, j'ai encore dit une bêtise, » dit-elle. « Une chose imprévue, voilà tout. Laissez-moi réfléchir. » Elle se leva, impulsive, et se précipita vers lui. « Martine, quand on demande du temps, c'est toujours pour dire non. Oui, il n'a aussi qu'une syllabe, mais il se dit deux fois plus vite. Et à présent, vous allez me détester pour vous avoir posé une question qui vous met dans l'embarras. « Vous n'y êtes pas du tout. J'ai plusieurs réponses à vous faire. Et d'abord, qu'est-ce qui vous dit que bonne maman Mervyn ne voudra pas de vous ?» Elle secoua la tête. « Parce que je lui écris voilà un mois, et qu'elle aussi, elle réfléchit. Et puis, je sais que si elle nous prenait chez elle, ce serait pour céder aussitôt que papa ferait la grosse voix. Vous comprenez ?» ajouta-t-elle. Et c'était de nouveau la vieille routière qui parlait. « Bonne maman touche une grosse mensualité de papa. » Ceci m'amène à ma deuxième question. Comment savez-vous que votre père ne va pas vous rappeler au Lido ou ailleurs du moment que votre mère prend le parti de divorcer ? Parce qu'il est en route pour Constantinople sur son yacht avec Sib, je veux dire, Madame Lelmer, et une tripotée d'invités. Malgré lui, Boyne soupira. Le père sur son bateau avec toute sa clique, Madame à Paris pour divorcer. Vraiment, il n'y avait plus lieu de se presser. Boyne pouvait se livrer aux délices du statu quo. « Eh bien, mon enfant, il me semble que vous voilà bien tranquille, au moins pour le moment. Alors pourquoi se mettre l'esprit à la torture ?» Elle partit d'un bon rire. « Mais qui y songe, chère Martine ? Pas moi, dans tous les cas. Tant que vous êtes là, je n'ai peur de rien. » Boyne éprouva de nouveau un petit frisson de malaise. qu'il dissipa en se joignant à la gaieté de la jeune fille. Plus le lien qu'il attachait au petit Water était fragile, plus précieux étaient les jours qui lui restaient à passer avec eux. Pourquoi s'offusquer de craintes vaines ? À la bonne heure ! Si nous faisions une folie, voulez-vous ? D'abord une bonne promenade, à nous deux pour commencer, puis dîner en famille avec les petits Water. Elle le regarda d'un air heureux. « Bravo, Martin. On ne vous a pas vu si gai depuis longtemps. Terry disait que vous aviez le cafard parce que Mme Sellers n'est pas là. Il pensait que c'est pour cela que vous ne veniez plus, et on a décidé que je viendrais voir ce qui se passe. « On peut se fier à vous, » dit-il avec une grimace. « Vous voyez, je me fais une raison. Allons, en route. Ne perdons pas ce qui nous reste de soleil. » Elle gagna la porte et s'arrêta à mi-chemin avec un petit cri de surprise. Boyne, qui cherchait sa canne dans un coin, se retourna et vit la jeune fille en arrêt devant le berceau. « Quoi ? Vous vous en servez pour mettre vos bottines ?» Elle avait eu un ton de reproche et il en fut un peu gêné. « Oh diable » pensa-t-il. « Pourquoi faut-il que ce berceau soit si commode comme qu'est sa chaussure ?»« Mon Dieu, quelle horreur ! Ce doit être cette maudite femme de chambre !» Mais la jeune fille lui jetait un regard incrédule. « Et puis voyez-vous, c'est que je n'ai pas autre chose à y mettre pour le moment. » Elle accueillit cette plaisanterie avec gravité. « Mais ce sera pour bientôt, n'est-ce pas ? Un petit bébé à vous, ce serait si gentil. Vous allez vous marier aussitôt que Mme Sellers sera revenue avec son trousseau. Peut-être que vous nous prendrez, Blanca et moi, comme demoiselles d'honneur ?» Penché sur le berceau, il était en train de jeter ses chaussures à la volée par la chambre et ne répondit pas. La jeune fille étonnée le regarda un moment, puis se coula à son côté et glissa son bras sous le sien. « Cher Martin, s'écria-t-elle, vous êtes malheureux ?»« Malheureux, s'écria-t-il d'un ton exaspéré. C'est vrai que je ne suis pas heureux. Ce sont les choses qui arrivent. Mais pour l'amour de Dieu, vous ne pouvez pas me ficher la paix. Il faut que vous veniez me marcher sur les pieds. Voyons, Judy, ne pleurez pas. Je ne voulais pas vous faire de peine. Je vous le promets, mais quelquefois... » Judith sentit les larmes lui monter aux yeux. « Pardon, gémissait-elle. Je sais bien, je n'ai pas de tact. Le diable l'emporte, le tact. Dieu merci, vous n'en avez pas. C'est une chose que j'ai en horreur. Seulement, ne vous mêlez pas des affaires des grandes personnes. Ça ne peut servir qu'à tout gâter. Mais comment voulez-vous que je fasse quand vous êtes mon ami et que je vois que ça ne va pas ?»« Martin, lui dit-elle sans respirer, cela ne veut pas dire que le mariage est rompu. » Il eut envie de lui crier que oui, que tout était à l'eau, comme si c'était la formule magique de l'affranchissement. Au lieu de cela, il se planta devant le coin de la table où se trouvait l'écrin. « Je veux dire que je ne sais pas quand nous nous marierons, voilà tout. Vraiment tout. » Il fit signe que oui. « J'aime mieux cela, » dit-elle, avec un soupir de délivrance. Comme elle le regardait toujours, il lui saisit brusquement la taille et pencha la tête vers ses lèvres. Elles étaient rondes et brillantes, comme lorsqu'elle était émue. Elle s'attirait les siennes avec une force irrésistible. Il eut le courage de détourner la tête. Le baiser rencontra innocemment la joue, tout près des paupières mouillées. « Allons, ma bonne Judy, faites risette. Recoiffez-vous vite et filons. » Voyant qu'elle était encore toute tremblante, il lui prit le bras comme un grand frère, comme autrefois. « Allons, en route, » répéta-t-il. Sur le seuil, elle s'arrêta et jeta un regard navré sur le berceau. « Mon pauvre vieux Martin, c'est parce que vous êtes malheureux que vous y fourriez vos chaussures. »